L'autopartage permet de disposer d'une voiture même pour une heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autopartage nécessite d'être abonné. Oui, réponse C. Non, réponse D.